Le cannabis a des effets pendant 2 à 7 heures? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être décelé plusieurs jours après l'absorption? Oui, réponse C. Non, réponse D.